Le problème est, est-ce qu'il est possible un passage de l'objectivité telle que les paysans la vivent à l'objectivité telle que le propriétaire terrien la vivent? Ces deux discours appartiennent au même espace de représentation. C'est clair qu'ils n'appartiennent pas au même espace de représentation. Parce que la présence du propriétaire terrien, pour les paysans, est une présence absolument irrationnelle. La présence du propriétaire terrien est quelque chose qui interrompt l'identité des paysans. Et du point de vue du propriétaire terrien, c'est la même situation. Alors, quelle est la seule possibilité de qu'il y ait un espace commun de représentation? Ici, nous avons un troisième homme qui nous dit c'est que les paysans et les propriétaires terriens pensent que ce n'est pas la vérité du procès. Le procès est un procès objectif qui échappe à la conscience des agents. Ça, c'est ce que Hegel appelait l'astuce de la raison. La ruse de la raison, je crois que c'est traduit en français. La ruse de la raison. Il y a les deux traductions qui ont été faites. Bien, je veux dire la même chose. C'est-à-dire, par exemple, au commencement de la philosophie de l'histoire, Hegel dit l'histoire universelle, c'est pas le terrain de bonheur. Du point de vue des agents qui vivent les procès sociaux sont irrationnels, il y a du mal, il y a de violence, etc., etc. Mais du point de vue de l'esprit absolu, tous ces passages, toutes ces souffrances sont étapes nécessaires in order to, à l'effet d'arriver à un moment dans lequel toutes les contradictions seront résolues. Et l'argumentation de Marx était exactement la même. Marx disait, au commencement, nous avons le communisme primitif, qui est une société non antagonique. Plus tard, pour développer les forces productives de l'humanité, et on a dû passer par tout l'enfer de la société divisée en classes. Et seulement à la fin du procès, dans un communisme pleinement développé, le sens de tous ces procès, qui pour les agents est irrationnel, va être éclairci. Alors, la condition de penser ces processus comme processus objectif est que le moment strictement antagonique s'évanouit. Parce que ce qui est apparemment un conflit et sans solution pour les deux forces qui s'affrontent et en fait, un signifié objectif qui est présent dans une autre histoire, une histoire qui est la relation entre forces de production et les différents systèmes successifs de relations de production. Si vous lisez par exemple les préfaces à la critique de l'économie politique, là vous avez une argumentation dans lequel Marx dit de la même façon qu'on ne peut juger un homme par l'idée qu'il se fasse de lui-même, on ne peut juger une période historique par la conscience que les agents ont de lieu dans lequel ils sont engagés. Et il y a le sens objectif de l'histoire qui est le développement progressif des forces productives qu'il dit peut être déterminé avec la précision d'un processus naturel. Mais, de l'autre côté, dans cette peinture, la lutte des classes s'est évaporée. Alors, il y a d'autres textes de Marx dans lesquels le moment de la lutte des classes prédomine. Et en fait, il y a deux versions de l'histoire de Marx qui se mélangent et constat et aimant. C'est-à-dire que la grande décision théorique est de savoir s'il y a le troisième homme, l'esprit absolu, et dans ce cas, le moment antagonique est réduit à la fonction d'épiphénomène. O bien, il n'y a pas de troisième homme, dans ce cas, il y a seulement la conscience limitée des agents, mais les moments de choc, les moments strictement antagoniques, deviennent irreprésentables. Et ce sont les limites de la représentation que c'est que j'ai parlé comme argument objectif. Et cet argument, c'est intéressant de voir, est subsidiaire d'un argument théologique. Parce que le problème que les pères de l'Église se posaient était le problème de que Dieu est d'un côté absolument absolue bonté. De l'autre côté, il est, comment on dit, Almighty, tout puissant. Et alors, comme j'explique l'existence du mal au monde, ou bien Dieu n'est pas responsable de l'existence du mal au monde, mais dans ce cas, il est bonté, mais il n'est pas tout puissant, ou bien est responsable de l'existence du mal au monde, et là, et dans ce cas, il ne peut pas être pure bonté. So, Saint Augustin donne six réponses à cette question, mais il même reconnaît qu'ils ne sont pas très bonnes réponses. Il dit finalement que le problème est que les désignes de Dieu sont inescrutables, on ne doit pas se poser ce type de problème. La seule solution qui est importante pour notre argument a été formulée au moment de la Renaissance carolingienne par John Scotus et Diogène. Et Scotus a dit, le problème est que le mal n'est pas une réalité. Le mal est simplement une étape par laquelle Dieu doit passer pour arriver à sa complète perfection. C'est-à-dire que l'argument de la ruse de la raison et l'argument marxiste a une dimension théologique originaire que, quand se a constitué. Bien sûr, la solution de Diogène était incompatible avec même les formes les plus laxes de l'orthodoxie, parce que premièrement, il dit que Dieu n'est pas parfait de toute éternité. Et deuxièmement, que si Dieu doit passer par l'évolution du monde pour arriver à sa absolue perfection, dans ce cas, Dieu doit être d'une certaine façon interne au monde. C'est-à-dire qu'il est dans le alentour du panthéisme. Alors, ce type d'explication plus tard, vous la trouverez en différentes formes dans tout le mysticisme nordique, à Nicolas de Cusa, à Spinoza, à Hegel y a Marx. La ligne générale de l'argumentación son les mêmes. Il y a, mais ça serait la quatrième partie de ma présentation. ¿Qué es une représentation quand le moment fort de la représentación est devenu impossible? ¿Cómo es que on peut construire du sens du moment dans lequel le non-sens est devenu absolument constitutif et fondateur? Mais ça serait autre discussion. L'aval des organisatrices. Soit on décide que c'est... Il y a une autre session. Ou alors... Alors, pour toutes les questions non résolues, les présidences de séance ont une arme absolue qui est vous en parlerez autour du café. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est moyen comme dialectique. Donc merci à Jean-François Kervégan et Ernesto Laclos. Et donc la reprise est à... Moins 10. Pardon. Moins 10. Soit.